إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى التوحيد فكان المشركون يسخرون منه ويكذبون عليه Sachez, ô musulmans, que le prophète صلى الله عليه وسلم appelait les gens au monothéisme, à l'unicité. Et les polythéistes se moquaient de lui et mentaient sur lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Certes, lorsqu'il leur fut dit La ilaha illa Allah, ils s'en prenaient d'orgueil. وَيَكُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ Et il disait, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? فَلَا غَرَابَ فِمَا يَحْصُلُ الْيَوْمِ مِنَ الْكَذِبِ وَالسُخْرِيَ بِالْمُسْلِمِينَ Et donc il n'y a rien d'étonnant dans ce que nous voyons aujourd'hui parmi les mensonges qui sont propagés ainsi que les moqueries envers les musulmans. Wa hadha laysa bijadid. Et cela n'est pas nouveau. Wa inna la nashkuru Allah tabaraka wa ta'ala an manna alayna bi din al-islam. Hadha ad-din alladhi yuhawilu al-kadhdhabun أن يشوهوه. Et certes, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir accordé la religion musulmane, cette religion que les menteurs cherchent à salir. فَنَّذِرُوا فِي مَا يَجْرِ الْآنِ فِي فَرَنْسَ يُدْرِكُوا أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُرِيدُونَ أَنْ يُلْسِكُوا الْإِرْهَابَ بِدِينِ الْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِرْهَابِ. Celui qui médite sur ce qui se passe actuellement en France comprend clairement que certains essaient de rattacher le terrorisme à l'islam. Et certes, l'islam est innocente du terrorisme. فَانْظُرُوا إِلَى جَمَالِ هَذَا الدِّينِ الَّذِي يَأْمُرُ الْمَرْءِ بِسِلَةِ الْأَرْحَامِ سواء كانوا مسلمين أو كافرين. Regardez la beauté de cette religion qui appelle l'individu à appliquer les liens de parenté, même si ceux-ci sont musulmans ou mécréants. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقارب من الجنة ويباعد من النار. Le prophète صلى الله عليه وسلم fut interrogé concernant ceux qui rapprochent du paradis et qui éloignent de l'enfer. فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: tu adores Allah en ne lui accordant aucun associé. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône obligatoire et que tu appliques les liens de parenté. Et que tu appliques les liens de parenté. فأي دين وأي شريعة تحث الناس على صلة الأرحام كدين الإسلام. Et donc, quelle religion et quelle législation appelle les gens à appliquer les liens de parenté comme le fait la religion musulmane? وانظروا إلى جمال هذا الدين الذي يحث الناس على التراحم بينهم. Regardez la beauté de cette religion qui appelle les gens à se faire miséricorde entre eux. يقول الله تبارك وتعالى, Allah le Très-Haut, il dit: irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. أخرج البخاري ومسلم أن رجلا كان يمشي في طريق اشتد به الحار أو اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم رجع فوجد كلبا يلهث فقال: قد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغني. فنزل فملأ خفه ماء فأمسكه بفيه فرقيا فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وفي رواية فأدخله الجنة. البخاري ومسلم ont cité qu'un homme un jour marchait sur une route et il fut touché par une grande soif. Il a trouvé un puits. Il est alors descendu et a bu. Puis est remonté et a vu un chien qui avait du mal à respirer. يأكل الثرى من شدة العطش. Il mangeait la terre tellement il avait soif. Alors cet homme a dit: certes, ce chien a été touché par la même soif qui m'a touché. Il est donc descendu, a rempli son chausson d'eau, a tenu son chausson par la bouche et est remonté à la surface. Puis, il a abreuvé ce chien. Alors Allah l'a remercié et lui a pardonné. Et dans une autre narration, Allah l'a fait rentrer au paradis. Rahmatun ma'al bashar. ورحمة مع الحيوانات إلى أن العلماء تساءلوا عن هذه الحشرات التي تدخل في بيوتنا هل يجوز لنا أن نقتلها أو لا. Une miséricorde avec les êtres humains et une miséricorde avec les animaux, à tel point que les savants musulmans se sont interrogés concernant ces insectes qui rentrent chez nous. Et il se peut que cela nous fasse du tort. Il se peut que nous soyons dérangés par ces insectes. Nous est-il permis de les tuer ou non? Fakalatil ulama. In kuntum tastati'una ikhrajaha min buyutikum duna qatliha faf'alu. Les savants ont dit: si vous pouvez les faire sortir de vos maisons sans les tuer, alors faites-le. فأي دين وأي شريعة تحث الناس على التراحم فيما بينهم. كدين الإسلام أي دين؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، عباد الله، لا دين خير من دين الإسلام. Il n'y a pas de religion qui soit meilleure que la religion musulmane. فإنه الدين المرضي من رب العالمين. Car c'est la seule religion qui est acceptée et agréée par le Seigneur de l'univers. Le Très-Haut, il dit Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Certes, la seule religion agréée par Allah est l'Islam. Wa huwa ad-din alladhi bihi yajidu al-mar'u as-sa'adata fi ad-dunya wal-akhirah. Et c'est la religion par laquelle l'individu trouve le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. وهو الدين الذي ينهى من الظلم بجميع صوره. Et c'est la religion qui interdit à l'injustice, qui interdit l'injustice de toutes sortes. Allah le Très-Haut, il dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. Fela tavolemu. Oh serviteur, je me suis certes interdit l'injustice à moi-même. Alors ne vous faites pas injustice. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. An Abdullah ibn Omar. An an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qol: "Udhibat imra'atun fi hirra. Habasatha. Falam tut'imha. ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض." البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil selon Abdullah ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme fut châtiée, elle fut châtiée. Quel était ce péché qui fut la cause de ce châtiment? À cause d'un chat, un chat qu'elle a emprisonné. Elle ne l'a pas nourri. Elle ne lui a pas donné à boire. Et elle ne l'a pas laissé se nourrir des insectes qu'il y a sur la terre. Elle fut châtiée à cause de cela. Wa hadha al-hadith yadulluna ala tahrim adh-dhulm ala al-hayawanat. Ce hadith, il nous montre l'interdiction de faire quelconque injustice aux animaux. ويدلنا على تحريم قتل الحيوانات ظلما. Il nous montre aussi l'interdiction de tuer les animaux en toute injustice. فكيف يقال بعد ذلك أن الإسلام دين إرهاب؟ Comment pouvons-nous dire après cela que l'islam est une religion de terrorisme? وكيف يقال بعد ذلك أن الإسلام سبب الإجرام الواقع في العالم. Et comment pouvons-nous dire que l'islam est la cause des crimes propagés sur la terre? وإنه كذب على دين رب العالمين. Et c'est un mensonge sur le Seigneur de sur la religion du Seigneur de l'univers. عباد الله. المكذبون يحرصون أشد الحرص على إبعاد الناس عن دين الإسلام. فبينوا للناس حقيقة الإسلام. Ô serviteurs d'Allah, les menteurs cherchent par tout moyen d'éloigner les gens de la religion musulmane. Alors, expliquez aux gens la réalité de cette religion. فبينوا لهم أن الإسلام بريء من الإرهاب. Montrez-leur que l'islam est innocent du terrorisme. وأن السنة بريئة من الإرهاب. et que la sunna est innocente du terrorisme. Wa akhiran ubashshirukum bi annahum mahma fa'alu lan yadurru al-islam shay'a. Et pour finir, je vous annonce la bonne nouvelle. Que peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils inventent comme mensonge, ils ne feront aucun mal à l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais certes Allah parachèvera sa religion même si les mécréants le détestent. Même si les mécréants détestent cela. Fakumu bil asbab ya ibadallah. Et donc faites les causes. Tubayyinu lin nas ma huwa hadha ad-din. Dinur rahma. Montrez aux gens quelle est cette religion, la religion de miséricorde. Wa dinul hub, la religion d'amour. Wa la ata, le fait de donner. Wa ta'awun, de s'entraider et autres. Wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na. إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة